Ken. Listen. Tu sais, dans la vie, rien n'est jamais hacké. Donc ma confiance, j'ai pas la donnée hackée. Et puis j'ai choisi d'être parmi les gens qui font leur oseille avec une puce de Yankee. Et je les regarde sereinement quand je vois la police. Là, je suis dans le centre de Paris sans ma capuche. Et je rentre chez moi que quand j'ai fait mon ralice. Là, j'ai du mal à dormir, je fais mes calculs. Bédo, boulot, dodo. Pour esquiver les bouchons, bah j'ai sorti la moto. Traîner dans la cité, moi ça m'a matrixé. Contrôle gratuit, direction dépôt, j'finis pas acquitté. Et j'en ai vu des procureurs qui abusent. Des mecs vivent sortir du placard trop fatigués. Et j'en ai vu des innocents qu'on accuse. Au final c'est en HP qu'on les a piqués. Pour le comprendre faut le vivre. Garder la tête sur les épaules, être très lucide quand t'es ivre. Rappelle-toi bien de tout ça, meilleur ami y'a plus de ça. C'est lui qui peut te donner ou bien t'allumer dans un cul-de-sac. Pour le comprendre faut le vivre. Pour le comprendre faut le vivre. Tu sais dans la vie rien n'est jamais acquis. Donc ma confiance j'ai pas la donnée à qui. Et puis j'ai choisi d'être parmi les gens qui font leur oseille avec une puce de Yankee. Et je les regarde sereinement quand je vois la police. Là je suis dans le centre de Paris sans ma capuche. Et je rentre chez moi que quand j'ai fait mon ralice. Là j'ai du mal à dormir, je fais mes calculs. J'fais du rap sur le déco. J'avoue j'ai la teco. Pas celle des meufs, celle du ghetto. Mademoiselle en veut trop. T'es-je là comme un méco. 2019 au KLM, tu peux me voir dans le métro. J'voulais qu'on se tire en dehors, mais quand ils sont sortis du trou, ces mecs chelous m'ont pas tendu la main. De bas j'ai un cœur en or, maintenant j'm'en bats les couilles de tout. Disons que ça c'est de la faute de l'être humain. Pour le comprendre faut le vivre. Garder la tête sur les épaules et puis essayer de rester libre. Rappelle-toi bien de tout ça, la tolérance y'a plus de ça. C'est elle qui peut te la mettre et puis faire de toi un mec bizarre. Tu sais dans la vie rien n'est jamais acquis. Donc ma confiance j'ai pas la donnée à qui. Et puis j'ai choisi d'être parmi les gens qui font leur oseille avec une puce de Yankee. Et je les regarde sereinement quand je vois la police. Là je suis dans le centre de Paris sans ma capuche. Et je rentre chez moi que quand j'ai fait mon ralice. Là j'ai du mal à dormir, je fais mes calculs. Tu sais dans la vie rien n'est jamais hacké. Donc ma confiance j'ai pas la donnée à qui. Et puis j'ai choisi d'être parmi les gens qui font leur oseille avec une puce de Yankee. Et je les regarde sereinement quand je vois la police. Là je suis dans le centre de Paris sans ma capuche. Et je rentre chez moi que quand j'ai fait mon ralice. Là j'ai du mal à dormir, je fais mes calculs.